minutes. Si on t'épargne pas de joie, je suis resté militant. Même si je voulais changer d'état, j'ai ça dans.